J'ai intégré, si on peut dire, une meilleure compréhension de ce qu'est le sommeil chez moi. Puis maintenant, je le sais qu'aussi c'est venu avec la capacité de cesser de penser à des choses inutiles d'une façon posée, tu sais. Penser volontairement, c'est dangereux si on veut dormir. Faut penser involontairement. Ben, Je me c'est-à-dire suis... sans réfléchir intellectuellement. Moi, tu laisses passer les pensées sans t'attarder. Puis ça tourne en roue libre. Puis à un moment donné... Mais toi, ce que tu dis, c'est que tu peux te mettre en colère, puis je dors, là, tu décides une affirmation vibratoire qui est faite, mais c'est parce que ça me fait penser un peu à Bernard de Montréal qui parlait de contester le double dans un état de colère mentale, ou que tu allumes un feu qui amène une manifestation particulière. Moi, contester le double, ce que ça fait, c'est juste que ça me le coupe. Dans le sens que je vais ressentir un vide, un bout de temps, puis ça va pas nécessairement avoir l'effet que je veux. Parce que avec le temps, je me suis rendu compte que je l'aime pas, mon double. Je veux dire, si je me mets à contester d'une façon, ça va s'arranger pour que je me rende compte que j'avais tort. Puis tout ce qui me vient de contestation du double, ça finit tout le temps par se retourner contre mon ego. Fait Fait qu'autrement qu'avec le dit, temps. tu pars du principe que tout ce que fait le double, c'est intelligent. Non, mais je donne pas d'importance. OK. Puis je le sais que c'est pas le double qui m'empêche de dormir. Sais, je le savais que c'était pas le double qui m'empêchait de dormir. C'était vraiment à cause d'une tension, entre autres, puis aussi cette espèce de mauvaise habitude que j'avais de réfléchir quand je me couchais, ce qu'il faut pas faire. De toute façon, le double, je l'aurais contesté en disant arrange-toi pour que j'arrête de réfléchir à ça, je vais me faire envoyer promener, là. Je veux dire, j'ai rien fait, moi, là. C'est pas de ma faute, là. Ce qui circule dans ton pire esprit, ça n'a pas rapport avec moi, là. Il vient pas me mettre ça sur le dos. Ça n'a rien à voir, là. C'est toi qui actives ta coque, là. C'est un Ouais, peu autrement dit, l'astral, dans des termes occultes, toute ben. pensée astrale. Et même, je vais me faire dire, non seulement c'est pas moi qui engendre ça, mais parce que tu engendres ça, tu m'empêches d'intervenir intelligemment puis de te donner de l'information pour empêcher ça. Viens pas me blâmer.